quand je vois les images du défilé gay, puis du reportage à TV qu'on nous montre des petits gars de 7-8 ans qui sont là avec leur père. Ah, qu'est-ce que vous faites là, tabarnak, à 7... comme parents avec vos enfants de 7-8 ans dans une parade plein de momounes qui se montrent l'arrêt? C'est quoi cette affaire-là? Il y a une maman qui est là et elle semble, je sais pas, heureuse et en plein contrôle du constat. Elle dit, moi, j'ai une fille de 6 ans, elle est lesbienne. Elle a quel âge? 6 ans. Un voyons. Elle dit, moi, j'ai une fille de 6 ans, elle est lesbienne. J'aimerais ça qu'un jour, elle puisse hériter de l'ouverture. Ça, là, c'est la crise de mère folle qui a décidé que sa fille allait être lesbienne. Ben, c'est bâclé, c'est réglé, là. Voyons. Elle l'a vu à 6 ans, elle est lesbienne. Voyons, franchement. Elle a pas dit ça à TV. Qu'est-ce qu'elle a dit ça à la télévision. La DPJ, ça presse. J'ai reculé, mais tout de suite, je pense que je... Franchement. Je suis plus sur la coche, je suis vieux. Dans mes réflexions, je suis vieux. Folle. Mais je suis pas là, là. Folle! Faut moi, j'ai une fille, ma fille a 6 ans, puis elle est lesbienne. Elle voit que sa mère dit ça à TV en plus, là. Donc, si le maire toute la famille le voit. Elle est condamnée, la petite, les mon oncle, les ma tante, les amis à l'école. Hey, t'es lesbie! Donc, 6 ans! Si la mère, si le maire Tremblay... Je suis trop énervé. Oui. Si le maire Tremblay... C'est poignant, Jeff, pareil. Si le maire Tremblay passe pour un xénophobe et un raciste avec les commentaires qu'il a dit, je suis en doute un xénophobe, je suis en doute un homophobe. Les images, année après année, au même temps de l'année, à la fin août, des parades gays, c'est pas bon pour vous autres. Si vous pensez améliorer votre sort avec ça, si vous pensez contrer l'homophobie, si vous pensez avancer face à ceux qui sont un peu plus conservateurs puis qui ont de la misère un peu avec ça, vous êtes dans le champ. Je sais pas comment ça s'est passé. Je suis pas là. Puis je resterai à Montréal puis j'irai pas voir ça. Ça m'intéresse pas, comprenez-vous, là? Mais les images qu'on voit à TV, c'est à lever le cœur. Ma fille est lesbienne à 6 ans. OK? C'est à lever le cœur. Ça fait cheap, ça fait, vous savez, ça avait l'air à des épais. Des débiles. Vous faites honte à la communauté gay. Les gens qui sont gays, le monde normal, les gays normaux, le monde normal, sont mal à l'aise devant votre parade qui est débile. C'est débile. Mais en plus, il y a des parents qui amènent leurs enfants voir ça. Pourquoi une parade? Pas besoin de parade. Est-ce que je suis homophobe à dire ça? Sans doute. Le vrai, c'est que je suis pas homophobe, pas une seconde. Pas une seconde, m'en sac. Vivre, laisser vivre. OK? Je m'occupe de mon perron, occupe-toi du tien. Vous n'avez pas besoin de vous ridiculiser comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Les gens qui ne vous acceptent pas vont vous haïr encore plus. Stay low, stay low. Sois le vert. Low profile. Vivez comme tout le monde. Essayez pas de faire ça. Vous vous nuisez. Vous améliorez pas votre cause. Arrêtez. S'il y a des gens qui sont homophobes pour vrai, avec ce qu'on voit, ils sont encore plus le jour de la parade, de la fierté gay. C'est too much. Puis les parents, laissez faire vos enfants dans des histoires de même. Si vous avez des fantasmes on the side, puis que vous êtes en train de vous interroger sur vous-même, impliquez pas vos enfants dans cette histoire-là. Ça n'a pas de rapport.